Matthieu chapitre 27. Puis, quand le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs, et les anciens du peuple, tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir. Et l'ayant lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, qui était le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit, et reportait les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en leur disant, « J'ai péché en trahissant le sang innocent. » Mais ils lui dirent, « Que nous importe, tu y aviseras. » Et après avoir jeté les pièces d'argent dans le temple, il se retira, et s'en étant allé, il s'étrangla. Mais les principaux sacrificateurs ayant pris les pièces d'argent, dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor, car c'est un prix de sang. » Et après qu'ils eurent consulté entre eux, ils en achetèrent le champ d'un potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé, jusqu'à aujourd'hui, le champ du sang. Alors fut accompli ce dont il avait été parlé par Jérémie le prophète, disant, « Et ils ont pris 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été apprécié, lequel ceux d'entre les enfants d'Israël ont apprécié. Et ils les ont donnés pour en acheter le champ d'un potier, selon ce que le Seigneur m'avait ordonné. » Or Jésus fut présenté devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea, disant, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Et étant accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondait rien. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas combien il porte de témoignages contre toi ?» Mais il ne lui répondit pas un mot sur quoi que ce fût, de sorte que le gouverneur s'en étonnait extrêmement. Or le gouverneur avait accoutumé de relâcher au peuple, le jour de la fête, un prisonnier, quel que ce fût qu'on demandât. Et il y avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Quand donc ils furent assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ?» Barabbas, ou Jésus qu'on appelle Christ, car il savait bien qu'il l'avait livré par envie. Et comme il était assis au siège judiciaire, sa femme lui envoya dire, « N'entre point dans l'affaire de ce juste, car j'ai aujourd'hui beaucoup souffert à son sujet, en songeant. » Et les principaux sacrificateurs, et les anciens persuadèrent à la multitude du peuple de demander Barabbas, et de faire périr Jésus. Et le gouverneur prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils dirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Ils lui dirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Et le gouverneur leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, en disant, « Qu'il soit crucifié. » Alors Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait, prit de l'eau, et lava ses mains devant le peuple, en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste, vous y penserez. » Et tout le peuple répondant, dit, « Que son sang soit sur nous, et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il leur livra pour être crucifié. Et les soldats du gouverneur amenèrent Jésus au prétoire, et assemblèrent devant lui toute la cohorte. Et après l'avoir dépouillé, ils mirent sur lui un manteau d'écarlate. Et ayant fait une couronne d'épines entrelacée, ils la mirent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui, en disant, « Nous te saluons, roi des Juifs. » Et après avoir craché contre lui, ils prirent le roseau, et ils en frappaient sa tête. Et après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, et le vêtirent de ses vêtements, et l'amenèrent pour le crucifier. Et comme ils sortaient, ils rencontrèrent un Cyrénéen, nommé Simon, lequel ils contraignirent de porter la croix de Jésus. Et étant arrivé au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire, le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre, mêlé avec du fiel, mais quand il en eut goûté, il n'en voulut point boire. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements, en les jetant au sort, afin que ce qui avait été dit par un prophète, fût accompli, « Ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ont jeté ma robe au sort. » Puis s'étant assis, ils le gardaient là. Ils mirent aussi au-dessus de sa tête un écriteau, où la cause de sa condamnation était marquée en ces mots, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Et deux brigands furent crucifiés avec lui, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche. Et ceux qui passaient par là, lui disaient des outrages, en branlant la tête, et disant, toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Pareillement aussi, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquant, disaient : « Il a sauvé les autres, il ne se peut sauver lui-même, s'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Il se confie en Dieu, mais si Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands aussi, qui étaient crucifiés avec lui, lui reprochaient la même chose. Or, depuis 6 heures il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 9 heures. Et environ les 9 heures, Jésus s'écria à haute voix, en disant, « Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient là présents, ayant entendu cela, disaient, « Il appelle Eli. » Et aussitôt un d'entre eux courut, et prit une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre, la mit au bout d'un roseau, et lui en donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Eli viendra le sauver. » Alors Jésus ayant crié encore à haute voix, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les pierres se fendirent. Et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints, qui étaient morts, ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité, et se montrèrent à plusieurs. Or le centenier, et ceux qui avec lui gardaient Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et tout ce qui venait d'arriver, eurent une fort grande peur, et dirent, « Certainement celui-ci était le Fils de Dieu. » Il y avait là aussi plusieurs femmes qui regardaient de loin, et qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, en le servant, entre lesquelles étaient Marie Magdalène, et Marie, mère de Jacques et de José, et la mère des fils de Zébédée. Et le soir étant venu, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui même avait été disciple de Jésus, vint à Pilate, et demanda le corps de Jésus, et en même temps Pilate commanda que le corps fût rendu. Ainsi Joseph prit le corps, et l'enveloppa d'un linceul net, et le mit dans son sépulcre neuf, qu'il avait taillé dans le roc, et après avoir roulé une grande pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla. Et là étaient Marie Magdalène et l'autre Marie, assises vis-à-vis du sépulcre. Or, le lendemain, qui est après la préparation du sabbat, les principaux sacrificateurs, et les pharisiens s'assemblèrent vers Pilate, et lui dirent, « Seigneur, il nous souvient que ce séducteur disait, quand il était encore en vie, « Dans 3 jours je ressusciterai. Comment donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit, et ne le dérobent, et qu'ils ne disent au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Car cette dernière imposture serait pire que la première. Mais Pilate leur dit, « Vous avez la garde, allez, et assurez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent donc, et assurèrent le sépulcre, scellant la pierre, et y mettant des gardes.